On nous met souvent en garde contre le système qui dérègle les lois de l'homme. Regarde leur système, ils amplifient nos nerfs et l'honneur transforme en haine. Et on perd la notion du temps comme l'Angleterre sans Big Ben. Bing bang, deux coups en l'air pour ceux qu'on a mis à terre. Et mes frères qu'on les coule à l'envers. Paix à la haine gang, voilà que nos crimes prennent de l'ampleur. Préviens les Smith, c'est le colon en tant qu'expéditeur. Je m'adresse à tout chip destinataire. Notaire, avocat, RMiste ou bien braqueur. Trop grand cœur, pendant qu'on cible notre assemblée. Territoire sous embargo, toujours danger, trop dangereux. Quand on pille les caisses d'État, pendant que mes frères se marient. Au bout mettent un argent dans Greta. L'île contact, car ils sont embêtés. Ici les frères encaissent sans avoir le calcul de pi ou bêta. Réalise que je te raconte l'une des tristes réalités dans ce monde qui fait qu'on se tue seconde en seconde, minute. Je vais réclamer mes heures sup par remonter le moral de mes troupes, de lui nos bons maîtres qui luttent minute. Et une mesure de silence pour mes frères, frères qu'on enterre dans les cœurs. Et voilà que la solitude transforme en remords et nos cercueils attendent toutes les feuilles mortes. Donc comprends qu'on n'est pas content, non malhonnête. Je suis le bourreau, je viens arrêter toutes les prises de tête. Donc gare aux mecs qui finissent par une garo. Dis-leur que la vie est belle ici, on est peut-être pas mieux là-haut. Tu sais pourquoi on est dur? Parce qu'on est mal perçu par cette France, mec, des blocs de l'air de mur. Je crois qu'on est sûr qu'on arrivera en face à face pour mes frères augmenter le score. Parce qu'à chaque fois qu'une douille tombe chez eux, chez nous, y'a toujours un mort. Mes frères, je vous rassure, avec moi, deux coups en l'air, pour leur dire qu'on a les nez au cœur de la vie. En plein dents, pleine main vive, à plein dents, croque la vie, c'est naïf, à plein vent. On combat la rafale, on pointe la rafale. À plein dents, sur un air chanté, on est à vivre. Sur l'autoroute à vive allure, on se cache derrière l'apparence. Donc si on résume, on vit pour l'allure, de quoi on a l'air. À part de simples délinquants, et alors on trouve notre inspire seulement la nuit jusqu'à l'aube. Mais alors, y'a quoi dérangeant que ton gueule. Anti-bac nord, oui leur gueule, alors on les baise à la gueule. On braque l'or, et on augmente le taux d'élégance. L'autorité du ministre supérieur sans élégance. On soumise sans les gants, on prend racine et panne sur les bancs. Le jardin de l'air est fleuri par nos frères dans les camps. Quant à eux, leur politique, ils ont juste une autre optique. Ils préfèrent appeler notre religion le terrorisme islamique. C'est la riate et les meufs quand on nous parle de leur loi. On urine sur les urnes et à la fin on perd quelquefois. Voilà pourquoi on laisse les votes aux autres. Aucun de eux vote pour nous et de leur faute on se met contre leur code. Qu'ils soient pénal ou civil, on a trop de mal à les suivre. Contrairement à d'autres qui nous décrivent très bien dans leur cibi. On devient leur cible et la nôtre, donc c'est l'excès. On crève de l'accès, c'est sur l'euro qu'on aime se relaxer. On dit que la mort en triste mais l'amour en sourit aveugle. Le mensonge tue, nous apprend à être aussi méfiants que l'aigle. C'est l'œil du félin, featuring l'œil du colon. Toutes les félines, hey, c'est Lorenzo et Vince le colon. Parce qu'on est mal perçu par cette France, mec, des blocs de l'air de mur. Je crois qu'on est sûr qu'on arrivera en face à face pour mes frères augmenter le score. Parce qu'à chaque fois qu'une douille tombe chez eux, chez nous, y'a toujours un mort. Mes frères, je vous rassure, avec moi, deux coups en l'air, pour leur dire qu'on a les nerfs à vivre, mais on tient le coup. Malgré la tension, malgré les mers, hey, ils veulent nous dévaliser. Lorenz, dis-leur les faits. Ils sont venus piller leurs noirs et nous violer leurs lois. Ils ont volé nos terres, nos territoires et nous allaient leurs trottoirs. Trop tard pour faire machine arrière, on vient briser leurs barrières et eux plutôt protéger leurs arrières. On a les crocs et en plus la canine fragile. Mais qui est l'escroc? Il manie la matraque trop facile.